gon' kill you. Y'all bataille du rap. L'avenir de ma musique se trouve derrière cette vitre embuée. Donc chaque maquage enragé par la foule de vos huées. T'as pas hurlé, mais c'est ainsi que je considère un jugement muet. Je fais pas partie de ces fous qui se foutent d'évoluer. Pour t'émouvoir, je m'applique, j'ai pas de réponse, mes grandes habiletés. Tu sais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je suis là pour tout péter, m'oblige pas à le répéter. Petit PD, t'es trop ébatté, je ris de ton air hébété. J'ai pas besoin qu'on me tire dessus, le mensonge j'en connais. Les dessous, et je rappe pas pour les sous. Autrement crois-moi, je serais déçu, c'est sûr. Je fais les choses à ma façon en pensant que c'est bon sans en être sûr. Et ma furie me façonne, je les fascine, ils perdent la face. Je suis en place à leur pile. Prends ça dans ta face, fais ce que t'as à faire. M'a dit cette voix, donc efface pas mon nom de la liste des MC qui te surclasse. Artiste perfectionniste, enfoiré, je me surpasse là. Qu'aurait-il rap si je l'avais laissé assis dans le potra? Si je le délaissais, donc je continue autant qu'il le faudra. Je frappe comme la foudre en blessant les blessés. Je les achève, je suis un chien sans salaise. Je suis balèze, trop balèze, les pousse au bord de la falaise. Je suis chaud comme la presse, je n'en pas dans la fournaise. Je m'entraîne et ça aide, tu ressens le malaise. Yeah. Écoute ça. Les rêves pour ton nickel. Je suis un samouraï. Je vise le rap à la gorge et mes vers sont des maillets. Je guéris les mots par les mots, mais je m'en sers aussi pour tuer. Car mon feu frappe et dégorge. Je suis membre de la confrérie des assassins. C'est à dessein que mes meurtres sont perpétués. Admire mon arrogance, mon arrogance, et je relance mes défis que j'ai perdus jusqu'à obtenir la victoire. Ma détermination me guide, c'est plus ou moins mon fer de lance. Mes ennemis morts de la poussière pour moi perdre est rédhibitoire. Je suis un samouraï, je me tiens debout même si tu me démembres et mes organes sont protégés par de l'acier en guise de membre. Ouais, ma gorge est protégée, donc n'essaye pas de la trancher. Sur le qui-vive comme un soldat qui vit dans les tranchées. L'arme fatale, yeah. Tu sais d'où provient quand chier. J'ai des crampes d'estomac. Attends, j'ai mangé de MC, donc merci de respecter mes morceaux. Tester c'est pas par la peine, ma putain bombe est amorcée. Reste pas par là, sur autre part que ça pète. Je fais l'effet d'une comète, tu connais pas, tu vas me connaître. Les dégâts sont abusés, ouais, je suis pas là pour m'amuser. Quand je ressais ma musique, terrible, ça sort de mon fusil. Pas par là, j'en fais missiles et des fusées. Crame les fusils, bien pas pour que MC soit médusé. Mes mots sont des grenades, sur la grosse artillerie. Dans le fantôme promenade, appelle-moi Martin Riggs. Yeah, yeah.